toutes ses formes. Unissons les femmes et les hommes. De l'amour, nous sommes l'uniforme. Le pouvoir n'est qu'une illusion. L'union fait la force, l'émancipation. Construisons et communiquons. L'union, c'est la force, nous la maîtrisons. Sans compromission.